qui pas moi. Arrêtez, pile la dit la vie. Cette tout il a dit, moi la pas fait. Oui, la holy connaît la vérité. Mais arrêtez, pile qui pas moi. Arrêtez, pile la dit la vie. Cette tout il a dit, moi la pas fait. Oui, la holy connaît la vérité. Mi matin, sommeil, il passe pas tout. La pas moi, il cachette ça. Fois mi fois où. Et là où ça dit pas tout, c'est moi qui dois où. Et quand nous arrivons face à face, tu rôles pour nous fou. Blessa, m'y lève mon verre pour toutes bonnes faux amies. En espérant plus autres, la vie devient plus jolie. Pour l'instant, zotte n'a trop les temps pour gagner au kip mon ki. Des ma souhaite zotte bonheur en attendant zotte tu réussis. Mais arrête un peu, au kip à moi. Arrête un peu la de la vie. Cette toi la dit, moi la pas fait. Oui, la folie connaît la vérité. La vérité, faut payer là.